l'idéal. Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, produits à varier, nés d'un siècle vaurien, ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes, qui sauront satisfaire un cœur comme le mien. Je laisse à Gavarni, poète des chloroses, son troupeau gazouillant de beautés d'hôpital, car je ne puis trouver parmi ces pâles roses une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Ce qu'il faut à ce cœur, profond comme un abîme, c'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, rêve d'Eschyle éclose au climat des autans. Ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange, qui tords paisiblement dans une pose étrange tes appas façonnés aux bouches des titans.